T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know what's in this song, right? Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Comme chaque premier samedi du mois, nous sommes ensemble pour 1h30 de musique indépendante, de musique alternative, en tout cas de musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 361. On aurait évidemment pas mal de nouveautés à vous faire découvrir, des choses qu'on n'a encore jamais entendues sur cette antenne. Allez, je vous donne quelques noms. Six String Loaded, Fear Smile, Machine Elvis et encore bien d'autres. Donc restez à l'écoute, nous sommes ensemble, je vous rappelle, jusqu'à 18h30. Nous aurons aussi notre power play qui nous emmènera du côté de la Suède. Du côté des Canada, États-Unis. Voilà, je vais vous parler de la Suède parce qu'on va commencer la programmation de ce soir avec un groupe suédois. Il s'appelle All Mother. Enfin, c'est pas vraiment un groupe, c'est une artiste qui se fait appeler ainsi, All Mother, vous les connaissez, on les a déjà entendus. Le morceau s'intitule She Stares at You, et puis après ce sera le Romantic Manifesto avec son morceau Trans-Siberia. Bah oui, on voyage beaucoup. Allez, restez ensemble avec nous, et c'est parti pour la musique. And she is drowning. Ooh, I held her down. Ooh, the walls are leaning. Ooh, I'm closing in. Scraping a mark or a friendly hand, but it seems familiar, 'cause

C'est ça la puissance et la force de Planète Indie, vous proposer de la bonne musique qui mériterait d'être mieux connue, mais qu'on n'entende que très rarement, en tout cas sur les radios commerciales ici en Europe. Et on poursuit d'ailleurs avec la même veine musicale. À l'instant, je ne vous ai pas annoncé, c'était Six String Loaded, The Last Song I Ever Write. Et avant cela, c'était le groupe de Romantic Manifesto avec Trans-Siberia. On poursuit avec Machine Elvis, Mr. Nobody, et tout de suite, Fear Smiled, qui nous emmène dans les étoiles avec leur morceau Astro. Yeah. tonight. The skies above an orange haze. But should I keep turning to the light, despite these passing clouds? Should I turn away, roll to the other side, let the hours fade to the night? Voilà, il y a de quoi réveiller les morts avec les guitares de Machine Elvis qui nous interprétaient le morceau Mr. Nobody. Et puis avant cela, je vous rappelle, c'était une autre nouveauté dans Planet Indie, Fierce Mild. et leur morceau Astro. Il est 17h23, il est grand temps maintenant de passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous disais qu'il allait nous emmener du côté du Canada et des États-Unis, puisque le groupe s'appelle Sister Speak. Les deux membres fondatrices, on va dire, du groupe sont originaires du Canada et de la Colombie-Britannique, pour être plus précis. Puis maintenant, elles se sont relocalisées à San Diego, en Californie. Elles, ce sont Cherry Ann et Lisa Vigas. Elles ont donc commencé en duo et puis elles se sont adjointes les services de Tolan Shaw et de Jacob Miranda. Ce qui fait que maintenant, eh bien, ils se retrouvent à 4. Rise Up For Love est leur premier album, qui a déjà eu pas mal de succès, notamment dans les radios, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada ou en Europe, et puis bien entendu aussi chez nous dans Planète Indie. On va en écouter un premier extrait que j'ai choisi pour vous, et qui s'appelle Lady Love. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'on les écoutera 3 fois au cours de cette émission. Voici donc le premier extrait. Je vous rappelle leur nom, Sister Speak, leur site internet www.sisterspeakmusic.com, et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Hey, this is Sherry Ann from Sister Speak. You're listening to a song off our new album Rise Up For Love on Planet Indie. Powerplay. I'm still not over you. I dream out loud dreams of you, and the day I wake to you. Maybe in the morning light, maybe in the afternoon, I will find you. You will. You will find me too. two, three beers and we took the door. Goodbye Houston, off to San Antonio. I sing for a living and I write these songs for you. Can't nobody care tune quite like I do. My throat's been scratched with gravel and these words long to travel. I sing them home as I pass on through. One more night, one more song. I'll be wrong. One more day out on the road where we keep on moving all alone. There's two sets left and I'm tired on the stage. There ain't no bed gonna hold me till my grave. Yeah, this whiskey tastes like gasoline. Nobody's listening, so it seems. I just thank God I got some place to play. In a lady girl steps close to the microphone. Well, she's all black leather and her eyes shine like her own. Yes, I'll sing these songs for her with a heart that still burns. But when it's over, I'll be going home. One more. I'll move on. One more day out on the road where we keep on moving all alone. Favoris et chouchous en ce moment, m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on les retrouve comme powerplay au cours d'une prochaine émission. Il s'appelle The Porter Drew et il nous interprétait One More Night. Bah oui, on en veut toujours une de plus. On poursuit en musique avec une autre nouveauté, Marcus James et Wake Me. Bah oui, après la nuit, il faut se réveiller. C'est marrant parfois quand on prépare l'émission et puis on trouve des transitions comme ça auxquelles on n'avait pas pensé en faisant la préparation. Enfin bon. Et puis après, on écoutera le nouveau single du groupe suédois Les Plastic Pals, Riding with Elvis. Bah oui, lui aussi. Il peut se réveiller, enfin d'après certains, il se trouverait sur une île déserte quelque part avec Kennedy et Marilyn Monroe. Bah oui, pourquoi pas. Allez, tout de suite, Marcus James, Woke Me. We'll be right back. this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. C'est le nouveau single des Plastic Pals, Riding with Elvis. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie et vous avez tout à fait raison. Nous sommes là chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Nous en sommes à l'épisode numéro 361 et c'est donc toujours avec un plaisir non dissimulé que je me retrouve derrière ce micro pour vous partager avec vous le meilleur de ce que je trouve musicalement parlant. On poursuit avant de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit du groupe Sister Speak avec leur album Rise Up for Love. Mais avant cela, on va encore écouter une autre nouveauté, John McDonough et Lay Your Burden Down. Some nights he says all I have to do is look up to the stars. It all makes sense, he says, and I know exactly who we are. And blood ran free for 4 years and no one spoke of love. Marble and stone can feel so cold. search for a little relief in Lafayette Park. They said you'll never call this home. Just watch them line up every day around nine. This is where we'll start. One by one, brick by brick, we'll tear it down, he said. Just give me a soldier with a purple heart. It took 30 years to hear his words read out loud. Now the basement and the pipes creaking moan. I'm just like you, I don't need to be analyzed, he said. The pain I love is mine alone. And I'll be there to help you home. Carry you through and lay you down. And we can fight for you now. Just lay your head and your burden down. Fall in my arms and lay you down. Sat with kings and queens and presidents, he said. Funny how it all turns around. And if you find yourself on 17th Street, you'll see redemption for me now. And I will live forever and kids will know my name, he said. Remember when we held our hands up high? I'm a national treasure and no one's laughing now, he said. Head west and let the flags fly high. And I'll be there to help you home. Carry you through and lay you down. And we can fight for you now. Just lay your head and your burden down. Fall in my arms and lay you down. Voilà, John McDonough, Lay Your Burden Down. Retour sur notre album Powerplay, l'album du groupe Sister Speak. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'était, enfin qu'elle plutôt, parce qu'à l'époque elle n'était encore qu'à deux, elle s'était relocalisée de la Colombie-Britannique vers San Diego en Californie. Et bien, toutes les chansons, enfin la plupart des chansons de cet album ont cependant été écrites en Colombie-Britannique au Canada, puisque Sherri-Anne, elle a une blessure, elle s'est blessée. Et elle est retournée au pays, on va dire, pour se soigner et puis pour se reposer. C'est à ce moment-là qu'elle a écrit la plupart des chansons de cet album. Voilà. Ils se sont aussi adjoints les services de grands noms, notamment les ingénieurs Alan Sanderson, qui a travaillé avec Fiona Apple ou Fleetwood Mac. Bah oui, rien de moins que ça. Voir pour la touche finale un autre ingénieur, Brian Lucy, lui il a travaillé avec notamment les Black Keys et Arctic Monkeys, donc c'est pour ça que eh bien ça ne sonne pas trop mal. Ils ont aussi fait pas mal de concerts, ils font à peu près une centaine de concerts par an, essentiellement aux États-Unis, au Canada, et puis notamment pendant cette année 2015, ils vont essayer de mettre sur pied une tournée internationale. Donc peut-être qu'on les verra ici quelque part en Europe, et si vous avez l'occasion, eh bien n'hésitez pas à aller les visiter. Si vous êtes du côté du Mexique, eh bien aujourd'hui ils jouent au Cabo San Lucas, à Cabo Blue, donc c'est au Mexique. Bon, je sais pas si on nous écoute jusque là, mais qui sait, pourquoi pas, puisque vous pouvez aussi nous écouter non seulement via les ondes radio, mais aussi via internet, via le site RGL, le site Planet Indie aussi. Allez, on va écouter un second extrait de l'album, donc Rise Up For Love de Sister Speak. Le morceau en question s'intitule C'est You Will, et puis vous trouverez aussi sur la page Facebook de Planet Indie, n'hésitez pas à nous rejoindre non plus. Vous trouverez donc une vidéo de Sister Speak. Voilà. Allez, je leur laisse la place. Say You Will, Sister Speak, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Hey, this is Sherry Ann from Sister Speak. You're listening to a song off our new album, Rise Up for Love, on Planet Indie. So close, yet so far away. I can feel you everywhere. Memories turn in circles. Taste of you, taste of me in love. Pas mal hein. Aujourd'hui dans Planète Indie, eh bien on va vous proposer maintenant un petit peu de douceur avec cette artiste française que je vous ai fait découvrir déjà il y a quelques mois, voire c'était l'année dernière. Elle s'appelle Messia, c'est toujours extrait de son très bel album Tropique. Eh bien la réponse est là, puisque son morceau s'appelle La Réponse, Messia. Sachez me pardonner, vous mon ancien. de vos poches percées aux infimes détails, mon cœur est accroché. Mais là de leur bataille, sur le perron miné, fatigué de se battre, mon cœur s'est. Braver la pesanteur, fuyant l'aube gelée, je vous sens résister, tenir bon, vous défendre, chuchoter, me parler à voix basse quand le soir vous allez dans le lit vous étendre, je vous revois danser au fond de la grisaille, de vos poches percées aux infimes. Mais là de leur bataille, sur le perron miné, fatigué de se battre, mon cœur s'est arrêté. Au fond de votre chambre, en haut de l'escalier, partout tapis dans l'air, mon cœur est accroché. Aux persiennes, au sommet, au rocher, ma chère. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. You can say, 'cause you were. you gonna get back all that you know is bygone now. Far away, sun, when your ray of hope is gone, so far from home and so alone. Travel on, wayward son, wayfaring lad. Our winds hold you back. Stone winter road, some way to go. Travel on, your wayward banker, some gentleman of note. house for the horror of the human race. I filled mine up, nearly fixed it in a comfortable place, with another man's wife and a mattress full of bills. Should the price have been higher to make me wanna kill? Still, I've got potential, I've got it bad. I bet you never seen such a large potential bag. No sympathetic shade to hold above your shoulders when your fortune fades. So I slept through a storm of envy and greed, and woke up in the belly of a monstrosity. Wherever I run, I'm one step away from the tireless fate that's chased me to this day. I'm overboard in a raging sea. God and the devil put their bets on me. One or the other will be appeased. But I've got potential, I've got it back. Nobody's ever seen such a deep potential bag. Voilà, à l'instant dans vos oreilles, c'était le groupe Blind Willies avec Potential Bag. Et puis avant cela et entre depuis Messi, on a écouté respectivement Anne Mercer, la rappeuse de Seattle, on l'a écouté avec People Talk. Et puis après, avant les Blind Willies et juste après Anne Mercer, c'était Peter Lacey, une autre nouveauté avec Wayward Song. 18h05, il est temps de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle aussi que si vous avez raté le début de l'émission, eh bien vous pouvez la réécouter demain dimanche. Elle est rediffusée aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Et puis, nous mettons aussi sur le site de Planète Indie le podcast, l'enregistrement de la dernière émission en date. Donc vous pouvez aussi nous réécouter de cette façon. Vous tapez Planète Indie dans Google et puis vous tomberez directement sur nous. On est normalement le premier résultat de votre recherche. Voilà, retour sur l'album de Sister Speak. Je vous rappelle que leur album s'appelle Rise Up for Love. Leur site internet www.sisterspeakmusic.com. Quelques petites remarque encore, ils ont notamment fait la première partie de Chris Isaak et de Air Supply. Cet album a été élu ou dominé pour la catégorie Best Pop Album du côté des San Diego Music Awards en 2014. Et puis Cherry Anne, elle faisait partie du top 9 des Rhythm Guitars de nouveau pour NBC San Diego. Donc vous voyez que c'est de la qualité aussi. On va écouter un dernier extrait qui s'appelle Coming Back. On vous a mis aussi une vidéo sur la page Facebook de Planète Indie, donc sur base de notre site internet. Vous pouvez aussi nous rejoindre via Facebook, donc n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Allez, on les écoute avec Coming Back, c'est notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. L'album s'appelle Rise Up for Love. Power play. This is Sherry Ann from Sister Speak, and you're listening to Planet Indie. Mm-hmm. hands off your eyes. We know truth, we know lies. We all know, we know lonely. On that long road to Austin, had a dream, thought I lost it. I came home, found you there. See that smile across my face, ear to ear until I break. But you don't know, across the fields, but do we know where the brothers stir? Fence and dirt and bread to feed, all the masses, all the greed. Who will tell the children? 60,000 chemicals fill our cups and fill our lungs. Who will cure our lonely hearts? People calling out on the shorelines. The greatest suffering of all is a lonely heart without a cause. Who will cure a lonely heart? Thank you. Voilà, c'est de la musique électro venue directement de France et plutôt du côté de la Loire-Atlantique, si je ne m'abuse pas. Il s'agit de Grand Petit Plus qui nous interprétait sa mélodie minérale numéro 23, Mineral Melody 23. Passons en vitesse en revue les concerts chez nos amis de la Rocale aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez voir At the Gates au club, et il y a aussi le concert de Dimitri Vegas and Like Mike. Là, c'est plus dans le club évidemment, puisque ce sera dans le Main Hall. Le 10 juin, Chemical Brothers. Le 15 juin, One Republic. Le 16, bah ça va dégommer encore, avec Judas Priest, le Redeemer of Soul Tour. Le 17, eh bien, on reste dans la même veine, puisque ce sera Slash. Le 18, Godsmack. Quoi d'autre? Le 19, vous aurez le MR Prod File Session. L'entrée est gratuite, n'hésitez pas. Changement de style avec le Titanic Live le 21 juin. Le 24, c'est Mastodon. Le 25, Flying Lotus. Et puis le 26, ce sera Soja. Le 1er juillet, Joe Badass. Et enfin, le 6 juillet, Gojira. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que notre prochaine émission, eh bien, ce sera le samedi 4 juillet entre 17h et 18h30. Donc, notez dans vos agendas et n'hésitez pas à nous rejoindre. On poursuit donc en musique pour terminer cet épisode numéro 361 de Planète Indie, avec encore de la musique qui bouge, de la musique latine. Il s'appelle Alejandro et il nous interprète A Una Nena. Dime qué pasó, dime qué ha pasado entre tú y yo, porque todo cambió. Si era tan bonito nuestro amor, dime cómo puedo hacer para encontrar la solución. Si desde el día en que te vi no dudó mi corazón, ahora cómo puedo dejarte de amar. Nadie como tú yo podría encontrar. Eres lo mejor que ha pasado en mi vida y en mi corazón. Dime cómo puedo sacar de mi mente este pensamiento que tengo de ti. Eres la alegría que me calma siempre. Eres la razón. Tú eres la razón.

Voilà, ça remue pas mal encore. C'était les King of the Tramps avec Rain. Avant cela, c'était Ravens, Moreland et Velveteen Palace. On arrive tout doucement au bout de la programmation de ce soir. J'étais très heureux de passer ce début de soirée donc en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale et que vous nous rejoindrez pour notre prochaine émission, le numéro 362 de Planet Indie. Ça se passera le 4 juillet, bah oui, le jour de la fête nationale américaine. Ouais, tiens, on va essayer d'y penser, tiens, une bonne idée ça. Voilà, d'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, on se retrouve donc le 4 juillet, 17h-18h30, sur votre fréquence préférée, que ce soit via les ondes ou via Internet. Vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion demain à 17h. Et puis, le podcast, donc je vous rappelle, sera disponible sur le site de Planet Indie. On se quitte avec un artiste suisse qui s'appelle King Dean. Bah oui, après les King of the Tramps, ce sera King Dean. Et le morceau Dance For Me. Voilà, à bientôt, on se retrouve dans un mois. I want you to dance for me.